Naza ya kotelema Nazo zela bolingo na yo lokola ba refugie bazela kasako ya loso Na se ya moto ka ya oli Kovo masolo ale kamasuta Kamasutre Une fois de plus, ma retombe na mes rêves Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala moi effort Y'a quoi souci ba sala nzambe qui sont de plus de tenu Bona so ya souka ya ko sala nga ma bébé Ricobert ma sola Mais na mitoni Soki nzambe ye mei moto tion na ma papa kovo Est-ce que c'est trompa qui Na mi yo ki lima wa Olingo don kwene festisa ki totalema Kenango Omoni siko yo nengo komo salangai Dadi kulapa Soki ozate na mesa na zoko koli ate Soki na moni yoti na zoko kulalati Obolingo bangambo Polini kumbelinga Mimi e kumbelinga Il faut qu'on voit na retombe na mes rêves Et pourtant cette fois-ci na kanaki na sala moi effort Y'a quoi souci ba sala nzambe qui sont de plus de tenu Bona so ya suka ya ko sala nga ma pete Ebembayo Mais na mitundi Soki nzambe ye me moto tia na maboko a masola Est-ce que c'est trompa qui Na miyo ki lima wa Olingo don kwa na investisa ki totalema Kenango Jolo kombo Omoni siko yo nengo komo sala ngai Soki ozate na mesa na zoko koli ate Soki na moni yote na zoko kulalati Ebolingo bangambo Honorable Jolino Makelele Papa Kudura Kasu Le porte-parole du chef Soki arrivenga na beli bongo Fa beli ngou Deko zala sina ma poko akovo Bijanson Sa sera rie bobi nga milas Poko vo masola yende pupi ya motima Olingo ezala ka prison we ezanga por Bato bazo kota na kati Babuka kesi ya litata Babuka pe bibeko te Colette Tchomba Le conseiller Salomon Escandela Soki yende se katre nana kiole Thierry Muzamba Eko zala sina mapoko akovo Ye moto atire klipa suna nga yako kanisa Ape otipe barisu ye moto na ngai Na bolingo na ye ya tengu Na ba caprice na ye ya ba fricho Moi je ne peux plus Lobia Sassou Wamba Sassou Les fils de l'autorité sur la terre Le boss je te baka ya Ama sutra Ya poka senga Ninel sasu Ya bini sanga Adika u Papa fuma na potona tabia kwa mi problem So se mo kotele kilo le mono lelengi Ya poshipe Ama sutra Excellence Adam Bombole Kama Sutra Souve sala ki tango to sala ki o solo lae Pembe ni moto sala ki te kakami Palo baka mire sala kanamantoye Ifala ki piba pisamir maluba puite Moni maluba ki te kumira sala ki o lobae Soka mire sala kanamono kwa kolobae Général Amisi Tango Fort Ya Pukare Senga Mama ye ye ye Ya Pupini Sanga ye Na na na na Mupapa fungo na poto na tzabie kwa mi problem So se moko tele kilo le mono nelengi Ya Pushipe Didi Kinwani Kama Sutra Mulimo ebu ya nenga nili ye na leli mobalie Jojo Maliki ma papa Olela na ngai mawaya mobalie Excellence Wivine le Molika Moya makambo ezali nene Franco apela kina Amerika bo Fere Colombia pele liba chéri Palobili kambo eza ya kama sutra Nangai Ya kopi ni sanga Na dikau Nukwa pafu mwana poto na tsebe komi problem Sose mafatele kilo le mono nelengi Ya koshipe Kama sutra Kisa nusei banda lija Tama pwenda bimaka na mutozo matize Soki na tunie Alobi na hanga chirikeba Popo na ninye Zanga mbongwe DJ Frank Mbali ya pambala pambala Mboloko zanga nga Oboye bate Keba Ka je chanterai comme je pleure Je pleurai comme je chante Na kei fete ba ningo na siwa Me pa kei me je temba Boni kwe sala pas na mote Ma o papa ka puise Na luki na nga mozi kate o Na luki pembeni Milololololomi Milololololomi Il a des valeurs et elle va pousser Adonis Katé Tu devrais pas agir comme ça oh Colonel Kassou L'amour est tu n'as pas fait Tu ne peux pas combattre chez ta tue Mon cœur ignore mon amour Genre je t'aime à la folio Chabala baba il en go Charlie Malenga dit qui noani Yo des adenga Mantona saison sèche Yo katama wa yo zongelanga Tu m'as trompé oh Donnez-moi l'amour Excellence Adolphe Mouzidou Roger Tsingy Foukondi Ira Tchomba les grands gérants